Jean de Pierre Babiata, noble. Camarade Fraga, KBC, Kikubi, Guy Laroche, manager exécutif, Pietro Mubiala le prince. Nakoyimba, Nzemboyo, Ponaye. Et Lumbu, Nakati Atiento Novante, Bayonne Wabayonne, Chantal et Kazadi. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, chéri mon amour, et Kambo Salinaï, na mon entier, et salé madame, chéri bien-aimé, n'a pas télévision, n'a pas presse écrite, audiovisuel. Silo seme na roba o voleur to l'assassin to meurtrier ele kelinga bongo bolingo na ngai mate ki ango hoza charen na emene ya mama Huerto sena le château le grand prêtre mbuta na matadi mimi sha mama o yebaka o Lingue loco ya copi me la moto te remette bien sur terre mi miche na lingio zonga o consolenga na yembi na nzembo na ba papier na yembi na nzembo na ba radio mwana mama ye bango na lingio zonga yo consolenga yo koma consolenga biloko miswa kokangama yo koma kokoya na bambongo ya sanze mwana mama oyebaka o na lingi yo zonga yo kosolenga bajene nyonso moko yo kaka bapelaka o babukabuka kese mingi ya leta Bonne amour, bonne amour, bonne amour. président Constant Bangara, le général Nicole Mongali, 102.